Lying. Oui, Lani. Ça va bien aujourd'hui? Oui, en ce 5 février 2024, tu te portes comme un... Oh, voyons, oh, t'es une championne. Oui, là, c'est parce que je voudrais commencer par des citations. Les miennes, puis on va en glisser une petite de Marguerite Duras. T'es-tu prête? Lani, si tu t'appelles Marlene Lenny. Attends un petit peu, là, j'ai perdu pas le fil conducteur, mais qu'est-ce que ça disait? Donc, souvenir. Souvenir, attention, danger là-bas. On parle enfin de nous dans un simple refrain. La, la, la, la, la, la, la, la, la. J'ai écrit ça il y a 4 ans. Et puis, ensuite de ça, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres citations? J'en avais quelques-unes et je les ai trouvées, je les ai sous la main. Je nous prépare, non, selon le, devant ce meuble mal disposé, on s'y accroche comme par magie. On se lève pour mieux se retourner sans savoir pourquoi. Ah, oh, ça c'est de Jean-Pierre Ferland. On risque gros quand on se donne. On se démode si souvent à la demande générale. Le bonheur se lance vers des aventures. Et j'ai déjà dit et écrit surtout. Attendez un petit peu. C'est ici. Oui, c'est ici. J'ai dit, moi là, j'ai dit, Madame Thibodeau. Non. On a toujours un morceau de rock and roll entre les oreilles. Moi, j'aimerais ça avoir une voiture, là, quand tu la démarres, elle va chercher le rock'n'roll. T'sais, rock'n'roll. Là, tu tournes les coins, tu tournes les coins. Rock'n'roll! Manuel, hein? Maintenant, une citation qui n'est pas de moi, mais de Marguerite Duras. Je vais vous la chercher, nous la chercher sans doute. Ben pas sans doute, je vais nous la chercher. Oui, on va l'appeler. Non, elle est déjà là. Écrire. Attention. Recueillement. Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman, Cayman. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. Marguerite Duras, 4-4-1914, donc le 4 avril, elle est née le 4 avril 1914. Elle est décédée. Eh bien, voyons donc. Hey, elle est née le 4 du 4 1914 et elle est morte le 3 du 3, le 3 mars 1996. Femme extraordinaire. Donc, elle avait 72 ans. Non, 82 ans. Oui, 82. 4, 5, 6, 8, 9. Oui, imaginez-vous, je travaille à la caisse. Venez chez nous, je vous donne de la monnaie. Quand vous en demandez pas, je vous en donne de la monnaie. Vous voulez du change, ça vous coûte quoi? 18 $? 18 $ sur 20, mais on va vous donner 55 piastres. Ah, on va rester ouvert longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ben, bonne émission. Aujourd'hui, le lundi, mets le générique, mon champion. Aujourd'hui, le lundi 5 février 2024. Le volume et la différence, ça sent bon. C'est parti, mes amis! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Comme dans un film de la métro, on voit très bien tous les détails. Les bonnes sœurs font leur numéro dans un voilier sans gouvernail. Des milliardaires américains s'en vont doucement vers le port avec des copains saoudiens qui vont très bien dans le décor. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau sous l'œil des serveurs chicanos qui se marrent avec les cuistots. Des stars adorées du public traînent leur spleen intéressant vers des paradis super chics où l'on dégueule entre gagnants. Comme dans un film de la métro, les marins se perdent et se damnent pour des pin-ups assez salauds avec des yeux couleur butane. Quelques tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le point G des petites jeans. Allez, allez! Comme dans un film de la métro, le soleil s'est couché dans l'eau après un dernier coup de chapeau au bateau plein de Roméo. Les rockers calcinés grimaces tombant en cendres dans le soir. Les jeunes filles les ramassent en souvenir dans leurs mouchoirs. Alors la nuit tombe en beauté sur les robes de taffeta des mégères apprivoisées qui vont danser le cha-cha-cha. Qui vont danser le cha-cha-cha. Qui vont danser le cha-cha-cha. Qui vont danser le cha-cha-cha. Madame Brigitte Fontaine. Hey, je veux faire comme à l'ancienne. Comme il y a 20 ans, 19-20 ans, quand je faisais mes émissions. Alors, je vais improviser sur un petit bout d'un texte de quelqu'un qui se nomme Isabelle Alentour. C'est un recueil qui s'appelle « Ainsi ne tombe pas la nuit » aux éditions X, collection Racines de Lille. C'est bien ça, de Lille? Tellement écrit petit, là. Ah, ça me fait penser, cette semaine, je travaille dans une entreprise une épicerie de quartier, et on peut appeler pour une livraison. Donc, vous nous appelez, vous dites « Oui, c'est pour une livraison. » Oui, c'est Reynald qui vous répond. « Oui, madame, votre nom? »« Madame Thibodeau. » »« Oui, madame Thibodeau. » votre adresse? 5325. Oui. 4e avenue Nest. Oui, Nest. Appartement 172. OK. Et puis, vous payez en argent ou avec la carte de crédit? Avec la carte de crédit. OK, allez-y. 4560. Oui. 4580. Oui. Oui. Oui. 48, voilà. Date d'expiration? 0227. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez, ma chère dame? Oui, je vais vous prendre. Avez-vous, vous savez, la sauce, là? La sauce. Avez-vous de la sauce? On a de la sauce. Je vais vous prendre de la sauce. Oui, mais quelle sorte de sauce? Ben, une sauce, là. Mais pour faire quoi? Ben, pour se nourrir, là. Oui, oui, mais une sauce brune, une sauce blanche, une sauce tomate. La sauce en spécial. Oui, mais on a beaucoup de spéciaux, là. Ah, c'est spécial, ça. La sauce là, que vous aimeriez acheter. OK, d'accord. Ensuite de ça? Je vais vous prendre Des fruits. Oui, quelle sorte de fruits? Ben, en spécial. Oui, d'accord. Mais vos goûts? Oh, si c'est pas cher. Ouais, d'accord. Mais là, je sais pas, là. Qu'est-ce que vous achèteriez, vous? Moi, des raisins. Ah, mon Dieu, ouais, mais moi, j'ai des problèmes de flamulence, hein. Ça flamule, puis ça sort de l'énergie qu'il ne voudrait pas qu'il sorte. Ça faut que ça reste en arrière. Mais si vous... Ouais, ben écoutez, vous avez des bonnes idées, monsieur... Vous êtes monsieur... Garnier. Monsieur Garnier. Monsieur Garnier, vous avez des bonnes idées? Oui, achetez-moi des raisins. Ben, achetez-moi pas, c'est moi qui vais les acheter, mais prenez-moi des raisins. Mais prenez... quelle couleur vous avez? Ben là, il y a trois sortes, là. C'est des rouges, des vertes. Attendez un peu, il nous reste quoi, donc? Des rouges, des vertes, et puis non, des rouges ou des vertes. C'est juste ça, on a deux sortes, des rouges. Vous me mêlez, ah, man, vous êtes ému. Ah, je t'ai ému. Rouge et verte. Rouge ou verte. Rouge ou verte. C'est ouvert vers quoi? Vers une économie assez substantielle? Oui, oui, oui, une économie, mais c'est rouge ou vert. Ouvert. Vous êtes ouvert, j'espère, sinon je parle... Non, madame, c'est la couleur verte. OK, j'ai des raisins rouges. Oui. J'ai aussi des raisins verts. Ah, oh, d'accord. D'accord. Fâchez-vous pas, monsieur. Non, madame, jamais je me fâche avec la clientèle. Vous êtes notre gang-pain. C'est grâce à vous si on peut survivre, si on peut vivre de notre travail. Donc, vous êtes plus important que les employeurs. Parce qu'enlève les employeurs, madame, excusez-moi, enlevez les employeurs, là, il ne reste plus rien de plus intéressant que vous. Pouvez-vous leur dire, oui, oui. Enlever les employeurs, c'est pas important parce qu'il va en avoir toujours des employeurs. On s'en balance. Hein. C'est vous qui faites la différence entre une entreprise qui fonctionne ou une entreprise qui ne fonctionne pas. Moi, je vous aime parce que vous me faites vivre. Ah, mon! Vous avez hein, un beau sens de la parole. Connaissez-vous la parole de Dieu? Oui, mais madame, on n'est pas ici. Ah oui, OK. Alors, c'est raisin, rouge ou vert? Oui, vous êtes ouvert. Oui, oui, je suis très ouvert. Alors, je vais vous prendre un vert, tiens. Et puis, comme je vous avais parlé hein, tout à l'heure, là, il n'y a pas si longtemps, des petites flatulences, j'en ai, là, ça bonbonne dans mon esprit. Je suis pas très jeune. À ma voix, comment vous m'enderrieriez? Pardon? À l'heure où il est, puis à votre oreille universelle, sans doute, quel âge vous me donneriez? Bof, si vous voulez formuler autre... Comment tu me donnerais comme âge? Comme âge? On n'a pas ça. Dès comme âge, on n'a plus. On est des moches morts. Non. L'âge que j'ai... Ben là, je ne sais pas. Non, mais selon toi... Oh, on se tutoie maintenant. Ben, c'est plus facile, hein? C'est une barrière à franchir. Une fois que c'est franchi, on l'enlève et on est plus directement là, entre deux personnes humaines là, puis humides. Là. Ah, mon Dieu, madame, ça va bien? Ça va très bien. OK, raisin vert. Et puis, tu me donnes quel âge? Ben là, vite de même, là. C'est un peu difficile, là. Une trentaine d'années. Ah, oh, vous êtes gentil, monsieur Grenier. Vous êtes gentil parce que j'en ai 78. 78 ans. Ah, mon mari est décédé, lui. Ah oui, c'est une maudite bonne affaire. Non, c'est pas parce que je l'aimais pas, mais il était autocollant. Il était autocollant, il avait le croc. Mais les crocs, là, il avait un serpent, là. Je lâche. Moi, il pensait qu'à chaque fois que quelqu'un me disait bonjour, j'étais en amour avec. Des filles, des enfants, des voyons. Donc, c'était un malade. Mon mari, c'était un malade. À la fin, il perdait un peu la cartouche, là. Ah, il y avait la cartouche molle. Mais plus mou que ça, là. Ah, mon doux Seigneur. Je la cherchais. Et puis, ouais, comme je prends des raisins verts, mon cher monsieur Grenier, on peut s'appeler, hein, de notre. Hein, on le sait bien. Je vais vous prendre du fromage. Ça va compenser parce que j'ai des verres, je vous l'avais dit, faites le. Du fromage mozza. Mozza. J'avais une blague là-dessus, hein, je l'avais déjà faite là-dessus. Mozza. Mozza est mort. Maintenant, ouvre la porte, mozza est là. Et puis, c'est des blagues. C'est de l'humour. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, là. Bravo, hein, vous faites. Je vous appelle plusieurs fois, puis vous faites vraiment ce que je demande, là. très, très, très... On se comprend sans se comprendre, nous. C'est les vibrations, hein? Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là? Je voulais vous dire là-dessus, vibrations, on prend du fromage. OK. Et puis, ensuite de ça, qu'est-ce que vous avez en spécial? Ben là, madame, les spéciaux, je peux pas vous les dire. Vous avez pas le formulaire, la circulaire? Ah, mon Dieu, moi, la circulaire, j'ai plein de circulaires. Vous êtes qui, vous? Je suis Monimoin. Ah, le restaurant Monimoin? Non, l'épicerie Monimoin. Ah, mon Dieu, pas le grand, la grande épicerie Monimoin à Limoilou? Ben oui, on est à Limoilou. Ah, mon Dieu, c'est ça, j'adore ça. Et puis, on rentre là, c'est tellement propre. Ben, vous êtes jamais venu, puis comment vous nous appelez? Ben, parce que j'ai pris ça au hasard, hein, il y a 6 mois. 6 mois, parce que je sentais que l'hiver allait arriver, là. Puis j'ai dit, il faut que je m'essaye. Puis tu sais, j'ai des problèmes aux jambes. Mes jambes ne suivent plus. Moi, ma tête, ça roule, mais c'est mon corps qui me lâche tranquillement. Ça me lâche. Ah, mon Dieu. Là, j'essaie de voir des professionnels pour me revisser tout ça. Tu sais, pour être une robocopesse. Tu sais, robocopesse. J'aime ça, le cinéma, moi. Mais pas trop populaire. Moi, saviez-vous que j'étais avant professeur? Ah oui, bien, enchanté, madame la prof. Ah! Est-ce que vous connaissez Hugo Frey? Ben oui, le chanteur Hugo Frey, là. Ben oui, je le connais. Ah, c'est pas une blague? Ben non, je l'ai vu en spectacle au Palais Montcalm, madame, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et ça s'appelait, je sais pas, l'homme de la nuit ou l'homme... Ah, ben voyons donc, chantez-moi, dites-moi donc une chanson de pour savoir, là, de Hugo Frey. Ben, Céline. Dis-moi, Céline, toi qui es moi. Ah, ben c'est ça, c'est lui. Une autre chanson. Ben là, j'en connais tellement, là, madame. Je veux pas toute la chanson. OK. C'est avec le sifflet, là. Il a repris des chansons de Bob Dylan en français. Il a traduit. Ah, ben c'est bien lui. C'est bien lui. Mais il s'est inspiré de moi pour la chanson parce que j'étais pas... Salut, monsieur le prof. Enfin, ça, madame, c'est parce que c'est très beau, là, ce que vous me faites. Je suis très ému, mais là... On a peut-être là beaucoup trop de temps là-dessus. Il faudrait que vous me disiez votre commande. Après, je vous rappellerai peut-être quand je serai en pause, là, si vous voulez discuter avec moi. Ah, ce serait tellement apprécié. OK. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre des bonbons à la menthe rose, communément appelé Purple Mane. Purple Mane. Oh yeah. Purple Mane. La mémé est en forme, hein? Purple Mane. Purple Mane. OK. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre aussi un 4 litres de vin rouge du Chante-moi ta chanson. Oui, Chante-moi ta chanson. Rouge. Parce que là, c'est nouveau. On a fruité et corsé. Ben, si vous suivez vraiment la règle, le corsé est plus fort et plus élevé en alcool que l'autre. Effectivement, c'est ça. Pouvez-vous me dire l'indice d'alcool sur le choix que j'ai proposé? C'est 14. Ah, j'en prends 3. 3 vignées, s'il vous plaît. Et puis, ensuite de ça, comme j'ai arrêté de fumer, ce sera tout. Ce sera tout. Alors, écoutez, si j'ai des problèmes, je vous rappelle. Et sinon, ben écoutez, ça va me faire plaisir. On va vous livrer à partir de 16h. Merci, vous êtes charmant. Monsieur Grenier, continuez votre beau travail. C'est comme ça qu'on vous aime. Oh, diable Dieu. Oh diable Dieu, ce vieux mafieux, roi des picots, secte d'escrocs, de collaboniqueurs d'ados, brûleurs de vierges, lécheurs de cierges. Oh diable Dieu. Oh diable Dieu, ce vieux crincheux, sur un nuage disent les sages, ceux qui professent disant des messes, de mirlitons que l'homme est son, portrait craché, oh quel péché, au diable Dieu. Au diable Dieu, tueur de queue, son goupillon est un canon, et tous ses pâtres sont idolâtres, et son église n'est que traîtrise. Au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu. Mais s'il s'agit du grand ami miséricordieux, oh vive Dieu, vive la vie, celle qui lui, dans les atomes de l'air du chrome, des misérables, des simples tables, au diable Dieu. Au diable Dieu, merde biblique, vive l'unique, merde biblique, au diable Dieu, au diable Dieu, au diable. Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te déshabiller, mais tu pleures, Mimi. Ah, oh, mais je sais que ça n'a pas été là-bas, hein. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent, si, comment ils comprennent pas? Moi, je te le disais, ma Mimi, Mimi, reste ici, ne pars pas vers Paris. Ils te ramèneront en petites tranches de pain, ou comme un salami, dans un sandwich. Un sandwich? Un sandwich! C'est pas un sandwich, c'est un sandwich. Hey, je sais comment est arrivé, moi, Mimi. Mimi, je lui ai dit, hein. Coupez Mimi, ma Mimi. Plus tu te coupes Mimi, plus je te mangerai. Oh, ben là, elle était heureuse, la Mimi, elle s'est dit. Ben, si c'est pour moi, là, mon beau petit Réré, ta Mimi va t'arriver bien présentée. Bien assaisonnée. Comme tu l'aimes. Je serai ta Mimi. Oh! Mimi, je t'appelais Mimi, tu es encore mon ami, tu es un peu bête, un peu comme les autres, mais c'est pas grave, c'est pas ta faute, Mimi, oh Mimi, monsieur le président, monsieur le président, laissez-moi vous dire quelque chose en ce bout. Monsieur Gagné, bravo, oui, pour votre beau programme. Merci. On comprend pas grand-chose, mais oui, c'est extraordinaire ce que vous faites. Ben merci, mon cher monsieur. Je voudrais dire à tous les gens qui nous écoutent, hommes, femmes et enfants, puis s'il y a des enfants à minuit 7, là, on va se poser des questions. Mme Tremblay, il y a des choses à se poser. Hein, s'il y en a des petits-enfants, là, mais ça dépend quel âge, là, hein. Je connais, moi, des beaux enfants de 18-19 ans, là. Oh, ben, c'est pas des enfants-là que je parle, moi, là, c'est des ti-ti-ti. Ah, au biberon? Non, au sein. Ben, mon mari est encore au sein. Oh, mais lui, c'est un pervers. Oh, non, c'est un percepteur. Oh, je pense... Ben, c'est une perversion, la persécution. Il vient frapper aux portes. On vous a vu rentrer, M. Tremblay. Monsieur Tremblay, ouvrez la porte, on sait que vous êtes derrière. Mais dans mon... Oui, je suis derrière, mais il y a mon derrière le derrière. Votre derrière est derrière. Oui, mon derrière est derrière, et vous? Attendez. Aïe, aïe. Jocelyne, est-ce que mon derrière est derrière? Je crois que oui, lieutenant. Mon derrière est derrière également. Mais comment je fais pour me retourner? Salopard de canon. Oui. Alors donc, monsieur le président... À tous ceux qui nous écoutent actuellement sur Radio CQRL, bonjour CQRL! S'il vous plaît, on m'a désisté de Facebook, mes amis. Et ça, c'est pendant quelques secondes, là, je serai sérieux. On m'a extirpé de ce réseau social. Pourquoi? Parce que je vous présente mes vidéos. Je vous présente mon émission Errance Renadienne parce que j'adore ce que je fais, j'y crois et je vous en fais part. Il y a des gens qui mettent ça comme de l'abus. Puis à force d'avoir des abus, qu'est-ce qui arrive? On t'enlève. Non, on t'extirpe. Ah, enlever puis extirper. Mais c'est semblable, mais ça fait mal. OK, quand on te retire, c'est... C'est beaucoup moins douloureux, mais quand on... T'extirpe! Sens-tu déjà la... Comme, hein, le sang qui coagule! Coaguler, attendez, c'est premier groupe, deuxième groupe, coaguler, lili. Un ukulélé, c'est premier groupe, deuxième groupe. C'est pas un verbe, ukulélé. Mais j'ai pas dit ukulélé, là! Alors, si vous êtes gentil, juxtaposez-vous à ma liste d'amis Facebook. Alors, c'est très simple. Vous rentrez Reynald, espace gagné, R-A-Y-N-A-L-D, espace G-A-G-N-E, accent aigu. Celui qui a une housse de micro sur le nez, là, ben, c'est moi, ça! Devenez mon ami. Je suis tellement gentil. Je donne des beaux cadeaux, hein? Ah, des beaux cadeaux. Virtuels, là, quand même. J'ai pas le soutien financier des Québébord, moi. Le gros port, moi, là. Penses-tu, j'ai toutes les médias comme le gros port? Ben, j'en ai pas de maudite scène, moi, là. La seule affaire, c'est un petit sifflet que je peux siffler avec vous. Alors, monsieur le président, nous irons peut-être en cours tout à l'heure pour cette histoire. Pourquoi m'a-t-on enlevé de ce réseau social? Je pleure encore. Monsieur les pas trop catholiques et les pas trop cathodiques, pour ceux qui ne sont pas devant leurs écrans, ben, la liaison est bien anodine, mais elle doit se faire et se dire. Et puis vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Bienvenue à la douce Reynaldité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Reynaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Ça, c'est librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'Errance Reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé Reynald Gagné. Il n'y a pas d'applaudissements? Ben non, ben parce qu'on déjà là, on a Madame Tremblay, on a Mimi. Oh, mais moi, je suis tout en miettes. Mimi en miettes. Oh, que c'est beau. Avez-vous le cœur avec? Oh, mais moi, j'ai recollé tout ça. Et? Il me manque 3 morceaux de mon cœur. Oh, mon dos. Êtes-vous bon pour un bon pain, un rasage, vous? Un rasage qu'on n'a rien. Oh non, non, les rasages, les hommes connaissent rien. Ah oh, non, moi, vous avez entièrement raison. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit un rasage qu'on n'aura rien. Ben oui, les hommes connaissent rien là-dessus. L'épiderme, là, puis le triderme, puis le striderme, puis le stérilé, qu'on connaît pas, on comprend rien là-dedans, nous autres. On est déjà de la difficulté là, à vous dire bonjour, mesdames, sans rougir, sans devenir des imbéciles heureux, des gens qui ne balbutient pas devant autant de beauté et de charme. Comment pouvez-vous qu'on essaye d'enlever notre moindre poil sur notre visage, nous, les singes descendants du Saint-Esprit? C'est quand même pas facile pour un intelligent de redescendre parmi les singes et d'aborder la première chanson qui nous arrive jusqu'à la bouche. Mais quand même, devant... Monsieur Gagné, oui. Bravo pour votre beau programme. Merci. On comprend pas grand-chose, mais c'est extraordinaire ce que vous faites. Ben écoutez, si vous comprenez pas, c'est pas mon problème. Moi, je vous ai dit, allez consulter, mon cher madame, parce que si vous avez pas les oreilles pour entendre et la tête pour réfléchir, vous êtes bon pour être un politicien frisé devant un comité de sélection qui vous parjure et qui vous extirpe les vers du museau. Et ainsi, vous dites, je ne comprends pas votre question, madame l'honneur. Est-ce que la mairesse des Bouchers pourrait me redire toute la structure erration de ma résurrection? Amen, ainsi soit-il, ainsi pour des siècles et des siècles. Amen, amen le chèque. Un bon matin, je me suis levé, j'entendais le rossignol chanter. Puis tu chantes, rossignol chante, toi qui as le cœur gai. Chante-toi qui a le cœur gai. Didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didi didam, didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didi didam, didi didi didam, didi didi didam, didi didi didi didam. rien, et les femmes mariées encore bien moins. C'est que les petites filles ne valent rien, et les femmes mariées encore bien moins. Quant aux garçons, on n'en dit rien, ils ont toujours le verre à la main. Chante-toi qui a le cœur gai. Tu as toujours le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Juliette chante, Rossignol chante-toi qui a le cœur gai. Un beau matin, je me suis levé, j'entendais le rossignol chanter. Rossignol chante, toi qui a le cœur gai. Et puis, il arrive, il déplatère encore sur Anne-Marie. Voyons, Anne-Sophie, Albanie. L'Albanie, mon cher monsieur, c'est un pays en voie de développement. Et un coup de mop dans le bois de développement, là, ça fait du bien parce que ça enlève toute la grenade, toutes les petites pierres précieuses là, que tout le monde veut aller pêcher dans l'océan Antarctique. Eh, monsieur, on n'est pas sur le même billet papon. Mais non, mais c'est pas grave. Et pour nous envelopper, on le dit, bonjour, je suis... On s'étonise mal, c'est KRL, est-ce que c'est normal? Non, il s'est empalé. Non, c'est emballé, emballé. Nous sommes emballés devant une émission comme errance rénaldienne, hein? Ça purjute, là. On sent la guimauve. Ça cuit, ça fond, c'est dans la poêle. Rhabillez-vous, on recommence. Y'a quelqu'un chez nous, c'est même pas moi. C'est vrai que j'suis un peu sous, tout le monde peut se tromper. Le nouveau locataire me garoche un papier. Il paraît que c'est clair que j'dois m'en aller. J'essaie de rentrer. La police, les voisins, les boules d'escalier, le ding-badang. Réveil étrange au milieu de nulle part, immobile comme un ange au coin du boulevard. Le monde passe sans me voir, on dirait qu'il danse, même les chars à soir roulent dans le silence. Je pense que j'ai faim, faudrait bien que je mange, il me reste un peu de change en dollars canadiens. Je rentre au roi du hot dog, je commande un café, il doit avoir un bug. La serveuse me regarde et me dit « Excusez-nous, monsieur, on est fermé. » Je regarde la serveuse, j'ai dit « Merci, bonsoir, vous êtes merveilleuse. » Puis je sors sur le trottoir. Là, je m'avouais dans la vitrine, j'ai vraiment l'air fucké. Juste à voir, on devine, j'ai mangé une crise de volée. Le problème, c'est que là, j'ai bien beau essayer, je suis vraiment dans le coma. J'ai tout oublié. Plus de papier, plus de nom. J'suis comme un étranger. Ça commence à être long. Si c'est un cauchemar, réveillez-moi. J'tourne le coin, pas loin de chez Sylvie. Ça fait 10 ans au moins que j'suis pas venu par ici. Sa

novembre, septembre, octobre, janvier, les mois de l'année sont les mois, excuse-moi, les mois, moi, je ne suis qu'une chanson, ni plus ni moins qu'un véritable torchon. Appelez-moi janvier, février, mars, l'émission va être longue. Avril, découvre-toi ton fils, non, mes poils au nez. Non, c'est poils au nez. Mémé. Est-ce que c'est poils au nez? Non, c'est Milami mucho. On se met Milami dans la cédo. Milami mucho. Redonne ta vie un sentier dégoulinant d'amour. Oh, c'est beau, ça, hein? Oh, mes amis, ça dégouline. Mes amis mucho. Quand la vie descend comme un ruisseau. Oh, ça, c'est le ruisseau. Je passe des balles au cœur. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Je danse contre les ombres, je danse contre la mort, mon corps contre ton corps, caché dans la pénombre, je danse avec toi. Tu danses comme un ange, tu conjures les sorts, tes pas sont si étranges, on dirait que tu dors quand je danse. Avec toi, dans la nuit, belle et insolente, s'arrête le bruit sous le ciel immense. La musique, ton corps électrique. Pas de danse. Je danse contre les ombres, contre le temps qui passe. Je danse contre la montre et la vie qui s'encrasse. Je danse avec toi. Je danse contre les ombres. Je danse contre la mort, mon corps contre ton corps, au milieu des décombres, je danse avec toi. Dans la nuit, belle et insolente, s'arrête le bruit. La musique, ton corps électrique et quelques pas de danse Ben, avez-vous vu le film Octobre? Ben, le film de quel? De Pekapikin! Ben non, c'est le cuirassé de Pekapikin. Deux napkins, laitue mayonnaise, pas de torchon. Non, tu veux pas t'essuyer? Non. Non, non, moi, quand j'aime bien regoûter après. Là, quand je m'endors, là, il me reste un petit peu de... Oh, ça, c'était bon. Là. Oh, ça, c'était bon. Ah, oh, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. Là, ici, maintenant, c'est bonbon. Bonbon? Bonbon? Où es-tu, mon chien bonbon? Fais-toi aller le bonbon, bonbon. Je vais te retrouver ici, bonbon. C'est pas bonbon, c'est pompon. Ben, bonbon, pompon, il sait pas, lui. C'est un concon. Un concon citoyen. Très, très citoyen. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons. Et j'ai vu un humoriste. J'ai entendu. T'as vu? Le son était fermé, donc j'ai vu un humoriste qui faisait son numéro sans rire. Sans rire. On n'est plus dans ces ondes. Oh oui. Non, mais réfléchis. Oui, on est sur les ondes. Mais réfléchissez. Mettez un peu le fléchli. Réfléchissez-y. Voir, c'est ce que je veux dire. Si j'ai raison de dire ça. Fais un numéro d'humour sans rire. C'est comme faire de la cuisine sans chanter, ça. Moi, je suis pas capable, de préparer ma sauce bolognaise sans amener quelques rythmes italiens. Comme j'ai fait la semaine dernière, que je ne reprendrai pas. Mais, vous savez, c'est pas italien, ça? Oh, c'est mi amor. Mi amor, c'est italien. Ah, c'est vrai, mi amor. Mi amor, mio, mon amour. Je t'aimerai pour toujours. Un peu de poivre de rat. De poivre de rat? De poivre de rat. De roto fromage mayonnaisé dans la sauce à spaghettose. Oh! Avec deux belles boules de steak à chaise. Croyez-moi, c'est bon pour la santé. La santé, ben oui. La viande, c'est bon. Hey, t'es-tu malade, toi, les végépariens qui nous écoutent? C'est KRL, c'est une radio de gauche. Ben, c'est jamais nommé de gauche, c'est toi qui te dis de gauche. Je suis de gauche, donc la radio qui m'accueille, ben c'est parce que tu lui donnes de l'argent, sinon elle diffuserait pas, t'es pas plus intelligent que toi. En plus, toi t'es un handicap, c'est ton mental, ton handicap, mon champion. Tu peux pas aller plus loin, là, t'es comme bloqué ici, là, regarde. On dit dans le milieu, là, tilté dans la logique. Bon, c'est le logis n'est plus habitable, tout est barré à l'intérieur, t'essaies de trouver les clés, là, il fait trop noir, puis là, t'es abscon, t'es con, t'es très abscon, concupissant, Quand ça veut se mettre en fonction, ça là, les petites lumières à l'intérieur, là, c'est comme des veilleuses, là, ça peut pas éclairer plus que ça, puis si ça le fait, là, c'est pouf, c'est un éclair de génie. Les grands penseurs d'une certaine époque, là, eux, c'était éclairé à torche, là. Ça brûlait. Exemple, Rénal, oui. Ça va bien, Rénal? Oui, toi, oui. Non, du Rénal, le gars était torché à la torche. Oh, que la neige. Ma vie est un jardin de neige. Et aujourd'hui, les écrivains, moi, je ressens la mine dans le doigt, le bleu sous l'ongle, et je souffre, c'est épouvantable. C'est de la prescription, ça, là. Prends deux cortisone à 250 degrés, puis mets ça dans la bouche et dans la bus. Et bus, et goubi bus, et du c'est beau, c'est les beaux os, c'est tout ça, l'eau, c'est bis, c'est beau, c'est ta oui, de boule, oui, on bonjour. Ah oui, c'est beau, c'est tout, oui, non, c'est tout. Il y a des journées très longues où ça va vraiment mal. Y a juste des comptes qui tombent dans ta boîte à mal. T'essayes de discuter avec la dame du téléphone. Vous avez deux jours pour payer. C'est pas même le fun. On est dans la merde. On est dans la merde. Ça fait déjà trois mois que t'as pas travaillé. Aujourd'hui, tu y vas, t'as l'air bien décidé. Au bureau du BS, on sert le numéro 22. Mais y'a du monde à la messe, t'as le numéro 102. On est dans la merde. La blonde est ben tannée de t'entendre chialer tout le temps. Elle trouve que t'as bien changé, pis que t'as plus le même swing qu'avant. Tu passes tes grandes journées effoirées sur le divan, nourri, logé, lavé, pis tu y louais de l'argent. Un peu, tu te dis ça se peut pas. Toi qui fais toujours de ton mieux, tu comprends pas que ça marche pas. La source de tes problèmes doit être dans la société. Je te gage que c'est le système qui est pas fait pour toi. Devant ce grand mystère, tu fumes un gros pétard, tu te débouches une bonne bière, puis tu sors ta guitare. C'est là que ça sonne à porte. C'est qui encore calvaire? Ben c'est monsieur la porte là. Votre propriétaire. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer en début d'émission. La semaine a été merveilleuse. J'ai enlevé ma corde dans mon cou. J'ai dit, on va commencer à faire une émission avant de me prendre. Après, on le fera, on le pousse pas en droit. Non, c'est parce que j'étais extrêmement épuisé, vous savez, public. Moi, hein, je prends l'avion aller-retour pour Québec, Québec, Québec, Québec, Québec. En fait, je tourne en rond avec mon avion téléguidé en bois, en balsa, que j'ai fait moi-même, qui plane plus et que je m'imagine qui tourne, que je voulais acheter, que j'avais pas une maudite... Mais je... Dans ma... Et j'étais extrêmement épuisé, je me suis dit, ça fera pas une bonne émission. Mais au contraire, regardez maintenant... Mais on comprend absolument rien. Oui, je sais pas. Mais Rosaire, on peut-tu... Rosaire! Rosaire, es-tu au 60 et au CQRL 89.1? Avant, c'était bon, hein? Avant lui, là, c'était... Le gars qui jouait de la... Qui faisait de la... Ah, c'était bon, ça, mais là... Suis-je là ou ailleurs? Pardon? Allô? Allô? On vous comprend pas, monsieur? Suis-je là ou ailleurs? Ah, suis-je là ou ailleurs? Ben, vous êtes ici. Oui, vous êtes à Errance Renaldienne, CQRL... Là, ils m'ont dit, nommez-nous pas trop, tout là, là. Nomme pas ta radio trop longtemps. Ça nous gêne de diffuser, toi, là, là. La normalité, on n'aime pas ça. Bon, fais dodo, couche-toi. Là, bien sûr, j'avais les yeux grands ouverts. Grand pouvert. La liaison, comme disait Molière, c'est comme la natation. Quand tu le sais pas, tu te noies. Ça vient de Molière, ça, non, ça vient de Rénal Marnier. Rénal Marnier. Là, ça vient de se faire. Je peux même pas le répéter une deuxième fois. Comment ça? Je m'en suis même plus. J'avais un cervelet de poisson pour faire cette émission-là, moi. Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Hey, c'était bon, ça, quoi? Est-ce que tu peux le redire? Tu as la cassette, Jean-Luc? Garde tous les documents, idiot, bibubelle. OK? Tous les documents, idiot, dans la poubelle, s'il vous plaît. Hein? On veut pas garder ça, là, puis on va mettre dans vider poubelle, comme Wimbo's. Every to the rainbow, I'm a and the whirlwind slide of mountain fly on the window remonte quoi remonte fly. Hey, c'est une autre version, hein, c'est monte fly. Ouvrons-lui en français, ouvre ta ferme, baisse ta, ouvre ta fermeture, éclaire-toi, montre ta déchéance à tous ceux qui te voient. Oh, baisse ton rideau. Endors-toi, si la chance a frappé ce soir, elle n'ouvrira pas le trésor que tu caches à l'intérieur de toi. Il est pour moi, il est pour moi. N'ouvre le pas et vous la main pour mon immense. Ah, le chouchou d'Errance Renadienne, l'auteur, compositeur, interprète, Paul Pechnard. Alors à toi, mon cher Paul, que j'ai rencontré en juillet 2023. Donc laisse la place comme d'hab. Alors allons-y avec l'univers des plus flamboyants, Paul Pechnard. Ceux qui dorment sur leurs deux oreilles n'ont pas à me saouler avec leurs bons conseils. Ils pensent que je ne tourne pas vraiment rond. Moi je ne leur donne pas de leçons. Chacun sa vie et ses opinions. Moi je suis un vagabond. J'apprends tellement en dormant sous les ponts. Mais que savent les gens qui ont une maison? J'ai le temps de voir passer les saisons, de suivre les oiseaux jusqu'à l'horizon. Il m'arrive d'être léger comme un papillon, car moi je suis un vagabond. Un soir d'été, pas pu m'empêcher de me retourner. Quand elle marche, on dirait qu'elle danse. Quand elle parle, on dirait qu'elle chante. Pas un regard dans ma direction, car moi je suis un vagabond. À l'heure de faire mon baluchon et de quitter cet univers sans illusion, où l'on me montre bien trop souvent du doigt. On rit dans mon dos, on se moque de moi. Je choisirai la même destination que ceux qui vivent sans rime et sans raison. À la remorque de mes rêves, comme tous les autres vagabonds. Bonjour, non. Comment allez-vous? Non, parce que s'il y en a un qui fonctionne pas, l'autre va récupérer. Je viens pas pour rien quand j'essaie, même. J'essaie, mais moi je dis toujours des conneries. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Je vais l'appeler, ça va être moins compliqué. Salut Lydia, c'est Rénal. Alors ça va bien? Ah oui, t'as pu enlever tout ça. Ok, alors écoute, à 15h30, là, on va être au Chinon parce que l'autre, il restait plus de place. Alors au Chinon, c'est juste à côté du vrai Paris. Ouais, c'est ça, je vais te donner l'adresse, c'est juste à côté. C'est 49, oui, 49 rue des Abeilles. C'est en face du 48. Ok, alors on se voit à 15h30. Ok. Ok. Alors à 15h30, je suis prêt parce que là je suis avec Paul, puis on va avoir terminé vers 15h30. Excellent, merci. Ah oui, j'ai été ici, bien sûr, c'est la rue des Abeilles, c'est le 49 rue des Abeilles. Oui, merci, à tout à l'heure. Ouais. Bon, Paul. Bonjour. Bonjour, Rénald. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, oui. Alors, encore une fois, tu es venu me récupérer à l'aéroport Charles de Gaulle. Ben ouais. Ben, c'est bien. Merci. Ben, c'est un plaisir. C'est sympathique. Voilà, comme ça, on a le temps de discuter. Oui, c'est ça, on prend le temps. Voilà. On prend le temps. Et l'année dernière, en février, on s'est rencontrés au petit café juste à côté. Ouais. Et tu m'avais parlé d'un projet que tu caressais parce que tu avais entendu... tu avais vu quelqu'un faire un spectacle, un one-woman show. Ouais. Et ça t'avait allumé. Donc, tu étais en préparation, tu étais en gestation. Voilà. Et là, tu l'as écrit, c'est déjà fait? Ouais, donc... l'idée a commencé au mois de décembre. Et puis, j'ai tout de suite une date pour faire le spectacle qui était le dimanche 11 juin, donc il n'y a pas longtemps. Et puis depuis qu'on s'est vu, j'ai vraiment pas mal travaillé sur le sujet, puisque moi j'ai l'habitude de faire des concerts, chanter des chansons. Mais là l'idée c'était de pouvoir raconter quelque chose et de en quelque sorte donner vie aux chansons, mais dans un cadre un petit peu plus large. Avec une historiette, une histoire. Voilà. Avec une histoire, avec un fil conducteur. Et le fil conducteur, il y a eu pas mal de changements, mais je suis arrivé à présenter ce que je pourrais appeler l'envers du décor, okay. Les ficelles du métier. Et le spectacle, c'est comme un dialogue avec mon fils. Bon, lui, il n'est pas là. Imaginaire, mais, voilà, mais réel, dialogue. Mais qui n'est pas sur scène. Voilà, et c'est une vraie personne qui existe. Mais là, c'est dans l'histoire, c'est un personnage de fiction qui me pose des questions et je réponds. Et ces questions, c'est autour du fait de faire de la musique, qu'est-ce qui se passe, monter sur scène, à quoi ça correspond, et ce genre de choses. Est-ce qu'on peut appeler ça une biographie, une autobiographie? Pas vraiment, parce que j'utilise des choses que j'ai rencontrées dans ma carrière. Ok, ben oui. Je prétends pas du tout raconter ma vie. Okay. Plutôt dire des choses qui sont un peu... décalé par rapport au métier, si on peut dire, ou en tout cas à l'activité de faire de la musique, de faire des chansons, de faire de la scène, et puis de faire un truc qui soit aussi un peu marrant avec les gens qui sont là. Mais en plus, c'est en fait un créateur indépendant. C'est le travail que ça demande aussi de prendre le crayon, après ça de faire une chanson, de s'autoproduire, de trouver une maison de disques, après ça de trouver des salles pour jouer. Donc c'est un travail beaucoup plus difficile qu'un chanteur, un auteur, compositeur, interprète qui a déjà une maison de disques. Disons que là pour moi c'était nouveau de faire ces choses-là. Moi je fais cabaret. Puisque j'ai l'habitude d'écrire des chansons. Moi j'ai écrit mon bouquin il y a un moment. Donc c'est des choses, je finis par avoir une espèce de méthode pour le faire ça. Mais là pas du tout, ce qui fait que c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. Parce que j'avais quelques pistes que j'ai suivies où j'ai écrit des choses, j'ai testé, ça ne marchait pas forcément. Donc il m'a fallu un certain temps avant d'avoir quelque chose qui soit structuré. Mais en février, là, lorsqu'on s'est vu, tu n'avais pas grand-chose, tu avais juste la date. Ouais. Et tu ne savais pas de quoi tu allais parler. Non. Parce que l'histoire, tu ne la savais même pas, tu ne pouvais même pas rien me dire. Mais ah ben non. C'était, en fait, la motivation d'écrire était la date de tomber. Voilà. Et c'est à quel moment tu as voulu amener l'histoire d'un créateur qui raconte un peu sa vie? Ben, je pense que cette idée très générale, je l'avais dès le début, mais je n'avais pas de manière de l'expliquer, de la raconter. Voilà, j'avais pas de fil conducteur. Parce que. Je m'occupe de vous tout de suite, les gars. J'arrive. Comme j'ai des moments où je raconte des choses entre les chansons, il fallait qu'il y ait une espèce de logique entre tous ces moments où je parle. Et donc, il fallait un fil conducteur et il fallait aussi une gradation entre les différentes, différents thèmes. Quoi. Ah, tu trouvais ça facile d'écrire, d'écrire des dialogues au lieu d'écrire des chansons? Je dirais. C'est une difficulté qui ressemble, parce que quand tu écris des chansons, ben, quelquefois tu vas chercher toute une journée, tu ne trouves rien, deux jours, tu ne trouves rien, trois mois, tu ne trouves rien, tu vois, et tu as passé des dizaines d'heures. Et quelquefois tu marches dans la rue, tout d'un coup tu dis, ah ben, il y a un truc, ça pourrait fonctionner. Donc tu vois, c'est un peu comme ça. Et là, pour le spectacle, ce que j'ai marqué, qui fonctionnait bien pour moi, c'est que je suis dans ma voiture, donc là tu as l'expérience, hein, comment ça se passe. J'ai mon téléphone. Ok. Oh, pardon. Et puis. Je fais comme si j'étais sur scène, donc juste j'appuie, oui. Ça enregistre, et puis je raconte des trucs, et c'est la plupart des spectacles, j'ai écrit comme ça en fait. Alors c'est plus vivant, ouais. Parce ouais. que en fait tu racontes. Ouais, je fais comme ça me vient, parce que j'ai essayé en écrivant, mais ça devient vite littéraire, tu vois, si j'écris le truc, alors quand je le lis comme ça, je me dis, ah bah c'est bien, mais quand j'essaye de le dire, comme si j'étais sur une scène, ça marche plus en fait. Alors que quand je suis en bagnole et que je parle, et bien c'est en parlant que... C'est les mots qui amènent les idées. Ouais. Mais tu as écrit ça en combien de temps, en combien de jours, en combien de mois? Ben, si je réduis en temps, ça va être assez court. Tu vois, mettons que j'ai passé 2 semaines à plein temps à écrire le truc. Mais c'est 2 semaines où c'est un quart d'heure par-ci, une heure par-là. Et puis il y a aussi des moments où je cherche, je trouve rien. Donc là, je sais pas si ça, je le compte pas, mais ça prend beaucoup de temps. Hésiter, zigzaguer, vaciller, osciller, tituber, chanceler. Serpenter, se tromper. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Accepter, trébucher. Accepter. Déraper, accepter, basculer, accepter, chavirer. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que trembler veut dire. Respirer, s'échapper, s'envoler, oublier, pardonner, oublier, pardonner. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Tu viens de découvrir ce que tanguer veut dire. Mais c'est plus compliqué qu'écrire une chanson, parce qu'écrire une chanson, tu peux te rattacher à la musique. Ouais. Hein? Oui. Tandis que quand tu écris des textes, ben là, il n'y a pas de musique, ou peut-être qu'il y a la musique de l'oralité. Eh bien, la différence, c'est que quand tu fais des chansons, l'horizon, il est à la fin de la chanson, de 3 minutes. Alors, quand tu fais un spectacle, l'horizon, il est à la fin du spectacle. Donc c'est, là, ça dure 1h10, quoi. Et donc, c'est à la fois pas du tout pareil quand tu l'écris, et pas du tout pareil quand tu le fais. Parce que tu montes sur scène et tu te dis pas, bon, moi, j'ai une chanson, puis une autre chanson. Enfin, tu te dis, faut que je raconte ça, puis ça, puis je chante ça, puis que je change de guitare. C'est une suite logique. Ouais. Un doit glisser dans l'autre à travers le dialogue. Voilà. Et donc, c'est pas la même, c'est pas le même exercice mental. Mais comparativement à lorsque tu fais des spectacles sur scène, tu improvises tes dialogues à travers les chansons, ou si c'est un peu travaillé pour qu'il y ait une genre de ritournelle? Je dirais que avec presque chaque chanson, j'ai une petite histoire à raconter, okay, ou quelque chose qui dévoile pas la chanson, mais qui a une relation, qui serait comme une image, mais ça, là c'est un texte, que je vais dire. Donc selon le public et selon l'endroit et le moment et l'humeur, ben, je vais raconter des trucs ou pas. C'est pas forcé. Quand tu fais un spectacle, là c'est obligatoire. Tu peux pas dire, oh ben non, j'ai pas envie de parler, je dis rien. Tu vois. Ah ouais. Donc, c'est bien parce que ça m'a donné de la matière pour ensuite faire les concerts. Mais une fois que ça a été terminé, est-ce que tu l'as retravaillé avec un groupe, ou si c'est uniquement toi qui avait une vision? Non, il y a plusieurs personnes qui ont participé. Donc il y a Camille Face. Mais à la toute fin, là. Non, qui ont participé au fur et à mesure, parce que dès le début, parce que le premier rendez-vous que j'ai eu avec elle et avec Arthur Sangras, donc son nom d'artiste, c'est Rature, on s'est vu au mois de décembre, on en avait parlé, j'avais déjà des trucs, mais ça ne collait pas du tout. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'ils m'ont aidé à mettre les choses en forme. Et il y a Pauline Paris qui m'a aidé. Ok. Tu t'as aidé à quoi? À la mise en scène ou à la musique? Non, à discuter pour les idées. Et il y a ma fille aussi qui m'a pas mal aidé indirectement. Comme je lui expliquais ce que je faisais, ben, elle avait des idées qui collaient bien. Et donc c'est avec ces personnes-là que ça a fini par prendre une forme qui soit utilisable, que je puisse montrer, enfin, faire sur scène, qui marche. Mais c'est à quel moment tu t'es dit, moi, je veux me lancer, je veux faire autre chose que juste de la musique, je veux quand même construire une histoire? C'est après avoir regardé quelqu'un, après avoir... Je dirais, c'est depuis très, très, très longtemps que j'ai l'idée. Depuis, je dirais presque depuis toujours. Mais c'était pas encore prêt? Mais, ben non, puis je savais pas par quel bout prendre le truc. Et alors, comme je t'ai dit en février, c'est que j'ai vu un certain nombre de personnes, dont Camille Feist et puis Arthur Sangras, donc Rature, faire leur seule en scène. Et c'est là que je me suis dit, ben, ça y est, quoi, c'est un peu le truc déclencheur. Ils ont ouvert la porte que tu voulais avoir depuis longtemps, donc tu t'es rendu compte que oui, c'était à ce moment-là que tu devais te lancer. Sinon... Alors, voilà, et puis le truc qui a vraiment tout déclenché, c'est que j'ai une date. Oui, je suis là au final, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre un chocolat chaud. D'accord. Moi aussi, s'il vous plaît. OK. Merci. Ça marche. Oui, alors c'est le fait d'avoir une date qui a tout déclenché. Parce que d'abord, il fallait que j'ai quelque chose de prêt pour ce moment-là. Et puis, d'une autre manière, c'était une manière de montrer que la patronne du Cénobar, la Christelle, avait confiance en moi. Parce que j'avais rien du tout. Mm-hmm. Elle m'a quand même passé une date pour faire un spectacle qui n'existait pas. Alors, c'est quand même assez audacieux, mais en même temps, elle te connaissait. Elle connaissait tes chansons. Elle connaissait Paul Pechnard. C'était pas rien pour elle. Là. C'était... Non, mais c'était quand même... Elle a pris un risque. Puisque c'est vrai. Ça aurait pu être n'importe quoi. Oui. Parce que moi, j'avais aucune idée de ce qui allait sortir. Oui. Et puis, une fois que tu l'as fait, est-ce que tu as eu ce goût-là de le refaire encore? Et... Ah oui, oui, oui. Ben là, c'était une première fois. Et l'accueil? Et donc, ça s'est bien passé. Et donc là, j'ai des idées, puis j'en ai parlé avec Pauline Paris aussi, pour remettre les choses en forme. Donc, je vais le réécrire. Et puis là, je vais chercher des endroits pour le refaire. Enfin, j'ai déjà un endroit où j'ai une date qui est confirmée au mois de janvier, mais c'est dans longtemps. Okay. Mais là, j'ai quelques pistes pour trouver d'autres endroits pour faire le spectacle. Mais là, le spectacle est terminé, le spectacle est écrit, donc il faut juste que tu te remémorises un peu les textes, les chansons. Oui, puis que je remette les trucs en forme, parce qu'il y a des choses, quand c'est la première fois que tu fais, forcément, ça peut être mieux, quoi. Mais est-ce que c'est des chansons que tu avais déjà enregistrées ou si c'est du nouveau matériel? Il y a une chanson que j'ai écrite pendant la période où j'écrivais le spectacle. Okay. Qui s'appelle... Alors, il y en a juste une. Ben, il y en a plusieurs, mais okay. Il n'y en a qu'une qui est dans le spectacle. Et ça s'appelle « J'attends l'été ». Et la particularité, c'est une chanson que tout le monde peut chanter. Okay. Et ça tombait bien parce que comme le spectacle était le 11 juin, c'était au printemps. Et donc « J'attends l'été », ça marchait très bien. Mais alors, je vais encore la chanter, mais maintenant, ça sera pour l'été prochain. Oui. Mais tu veux la chanter uniquement en été, pourquoi? Je peux la chanter quand je veux, mais, ben oui. Mais c'est sûr qu'au printemps, c'est plus adapté. C'est une chanson de saison. Ouais. C'est comme les circuits courts. Ah, oui, okay, il y a des périodes, il y a des fraises, et il y a des... Alors, tu vas l'enlever si c'est pas l'été et tu vas la rajouter quand ce sera l'été. Non, je vais la garder, mais elle sera mieux à sa place au mois de... Ah oui, c'est sûr. Mais j'ai pas envie d'attendre un an avant de la chanter. Elle sera plus de circonstances. Voilà, exactement. Ouais, voilà. C'est les circuits courts. Circuits courts des chansons. Oui. Se laisser couler, quelle que soit l'heure. Une bouteille à la main, ils cherchent le chemin vers des jours meilleurs. Ils ont perdu le nord, alors ils tournent en rond sur leur mer intérieure. À la merci des tempêtes qui jamais ne s'arrêtent au fond de leur cœur. C'est le circuit court des chansons. Oui, mais on les amène à ça aussi, parce qu'une chanson, ça reste une chanson. Ouais. Tu sais, quand Barbara chante Nantes, elle n'est jamais à Nantes, mais elle la chante. Exactement. Voilà. C'est ce que je vais faire. Je vais la chanter l'été, même si c'est une chanson du printemps. Puis quoi que, si tu la fais en hiver, les gens vont se réchauffer sur cette chanson-là. Exactement. Et tout le monde chante, et j'aime beaucoup. parce que ça participe, les gens sont beaucoup plus attentifs après parce qu'ils ont collaboré. Ouais. Donc voilà, donc elle fait partie du spectacle, elle a un rôle particulier et ça fonctionne. As-tu l'idée d'enregistrer tout ça puis de faire le premier disque live? Ben pour l'instant, je sais pas comment je vais faire pour diffuser des bouts du spectacle. Là, il n'a pas été filmé, si tu veux. Okay. Mais c'est sûr que c'est une question que je me pose, pour, simplement pour que, montrer aux gens à quoi ça ressemble. Ouais. Mais de l'indiquer que... aussi. Ouais. Comment? Pour l'indiquer aussi. Ouais, aussi, peut-être. Je sais pas. T'avais pas pensé à ça? Si, j'ai pensé, mais après, j'avais un peu trop de choses à faire pour m'occuper de tout. Non, mais ça peut rester un projet. Mais... éventuellement, trouver une salle, enregistrer sur cette salle, dans cette salle-là et l'offrir en, sur la pastille. Ouais, ouais, mais après, un spectacle comme ça qui dure assez longtemps, ça dure 1h05, 1h10, c'est vrai que si tu enregistres tout d'un coup, je pense que ça risque d'être un peu ennuyeux, tu vois, quand tu le vois sur une télé, sur un ordinateur. Je préfère que ça soit en live, mais par contre, je peux en extraire des bouts, mais je sais pas encore. On verra. Okay. Là, ça reste encore un concept. Non. Alors, ça reste encore un concept peut-être pour prolonger. Oui, oui, ça fera partie des choses que je ferai pour faire vivre le spectacle. Parce qu'en fait, pour le présenter. Et en plus, il y a quand même. Tu as travaillé longtemps à ce projet-là. Ah, c'est beaucoup, merci. Beaucoup de travail. Et puis, non, mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je suis très content. Bonjour, ça va bien toi? Oui, on a des Québécois aussi à la visite. Ah, ben bonjour. Ils viennent aussi de Québec. Moi, c'est la ville de Québec. Ah, ben ok, parfait. Ah, oui. Est-ce que vous connaissez CKRL? Ben voilà, c'est ça. Je travaille pour CKRL. Ben, j'ai fait une interview avec. J'ai toujours arrivé, aujourd'hui. Ben, amusez-vous bien, elle est formidable. Salut! Merci, salut, Max! Salut! Et donc... c'est déjà Irina, c'est Tess! Enchantée, Tess Merlo! Oui, ça va bien! On se voit la semaine prochaine! Oui! Puis j'ai bien hâte de te voir! Le monde est petit! Ouais. Okay. Dans le 18e, on raconte tout le monde! Salut! Bye! Et ben oui, excuse-moi, je vole la vedette, mais j'en suis pas une. Mais c'est ton quartier, non? Ah oui, c'est mon quartier, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Et ouais, alors tu as travaillé beaucoup pour ce projet-là, donc tu veux quand même toujours le proposer. Ah oui. Donc là, il y a tout le travail de conception qui est fini, ou enfin pratiquement. Et maintenant, je voudrais faire vivre le truc parce que c'est en le faisant vivre que ça va l'améliorer, ouais. Et que ça va me donner des idées pour faire plus. D'autant plus que c'est un spectacle, on pourrait dire, modulaire. Parce qu'entre chaque chanson, je raconte des trucs, mais je pourrais avoir d'autres choses à raconter. Et je pourrais même adapter en fonction des circonstances et de l'actualité, tu vois. Okay. Je suis pas du tout... Secteur, c'est pas fermé, c'est pas arrêté. Ouais, pas du tout. Pas un truc, tu vois, où chaque mot est écrit au millimètre et puis on peut rien changer. Alors on peut dire qu'il y a un peu d'improvisation là-dedans. Oui, un peu. Ouais, et puis, mais ça j'aime bien parce que quand t'es sur scène, t'as des gens qui sont là, à chaque jour ça change. Et donc, c'est bien de pouvoir répondre aux gens comme ils sont, tu vois, de pas faire un truc complètement formel, figé. Froid, et puis... Ouais. Non, l'idée c'est au contraire de communiquer avec les gens, de parler, de discuter. Et même s'ils me posent des questions qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte, ça me va très bien. Hein. Non, mais en même temps, vous faites quelque chose de vivant, hein? c'est ça la scène, c'est vivant, c'est pas, ben oui, c'est pas arrêté. Oui. Donc toi, ça te dérange pas l'improvisation, parce que tu fais ça depuis des années. Ah ben oui, puis j'aime beaucoup hein, parler avec les gens, et je peux changer. Pour moi, l'idéal, quand je l'aurais fait un certain nombre de fois, c'est de pouvoir adapter le spectacle en fonction des questions, en fonction des gens qui sont là. C'est-à-dire que je peux changer des chansons comme j'ai plein de chansons, et puis rajouter ou enlever des thèmes au fur et à mesure. Et ça je n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Quoi. Si tu ne dis pas stop, l'ennui te guette. Tu vas perdre la tête. Encaisser le choc. Tu vas payer la note. Tout perdre en bloc. Sors de ta boîte. T'es bon pour la casse. Si tu ne fais rien, si tu ressasses. place. Si c'est le temps qui passe, qui trace ton chemin. Il faut penser aux fleurs qui n'ont que quelques heures pour donner leur meilleur, rayonner de bonheur. Il faut penser aux roses, oser la couleur. On ne rêve jamais assez fort, c'est notre plus grand tort. T'es bon pour la casse, si tu ne dis rien, si tu ressasses toujours le même refrain. T'es bon pour la casse, l'orage menace. Si c'est le temps qui passe, qui trace ton chemin. Écoute ton cœur, il a toujours raison. Il choisira la meilleure, sans poser de questions. Faut que tes nuits soient folles, que tes jours soient fous. Même si tu prends des claques, même si tu prends des coups, t'es bon pour la casse. Si tu ne dis rien, si tu ressasses toujours le même refrain, t'es bon pour la casse. L'orage menace, si c'est le temps qui passe, plus aussi ce qui t'aide là-dedans, c'est que tu t'accompagnes à la guitare, donc il n'y a pas personne d'autre que toi. Exactement. Exactement. Mais même s'il y avait d'autres musiciens, tu vois. Tu les regardes, puis ils vont comprendre qu'on passe à eux. Ouais, mais ça, il faut travailler, il faut les connaître. Là. Si c'est ton ben, goût, il n'y a pas de problème. Il y a des. Si je pense à Esteban ou à Paul qui joue avec moi depuis 25 ans. Ah oui. Avec eux, il n'y aurait aucun problème. On dirait, ah ben non, on va faire une autre chanson à la place de celle qu'on avait prévue. Juste un petit regard, puis c'est terminé. Là. Vous savez que vous vous dirigez ailleurs. Puis... Oui, puis ça serait très bien. J'adorerais faire le spectacle avec eux. Et l'année dernière, en février, on avait parlé de l'album que tu avais sorti et tu avais déjà 5-6 chansons du prochain album qui était déjà enregistré. Et tu as fait cet album-là. Alors, oui. Donc là, pendant que je t'attendais à l'aéroport, j'ai reçu la version définitive de la musique. Okay. Donc l'album qui va sortir, je crois que la date de sortie, c'est le 10 novembre 2023. Okay. Il s'appelle Mon coin de ciel. Et donc la pochette et la musique sont finies. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la fabrication. Donc là, au mois de... L'enregistrement. La fabrication... Ok, c'est déjà enregistré. Des CD. Oui, ah non, mais tout est fini. Ok. C'est enregistré, mixé, masterisé. Oh. Et il y a juste le fichier à mettre dans la machine qui fait les CD. Okay, enfin, si on peut dire juste. Oh, ouais. Donc maintenant, c'est la fabrication cet été pour pouvoir commencer la promotion début septembre. Oh. C'est ça qui est prévu, mais jusqu'à présent, ça fonctionne. Et que la sortie officielle soit au mois de novembre. Le 10 novembre. Enfin, le 10 novembre, après qu'on ait eu le temps de faire la promotion, de contacter les radios, faire des interviews et puis faire des trucs comme ça. Mais Donc ça y est, c'est bon. Est-ce que tu les as fait vivre avant sur scène, avant de les indiquer, ou si tu les as travaillé en studio? Il y a des chansons que je joue pas sur scène. C'est toujours un peu comme ça parce qu'il y a des morceaux qui sont studio. Voilà, qui sont faits pour avoir du matériel de studio pour que ça sonne. Il y en a d'autres que je joue depuis longtemps, il y en a qui sont récentes, c'est tout mélangé. Ça dépend de la situation. Et puis donc cet été, on va enregistrer les chansons de l'album suivant. Il y en a déjà un certain nombre qui sont déjà enregistrés. Mais le suivant, il ne sortira pas avant... 2024. Ouais, même peut-être plus tard. Okay. Peut-être 2025. Parce que là, tu veux quand même faire rouler ce que tu as actuellement. Là. Ben là, j'ai l'album qui sort en novembre, donc la promotion, c'est septembre, octobre, novembre. Mais après, on fera des tournées, on fera des trucs avec cet album. Et donc pendant au moins un an, on va rester sur cet album-là. Et donc le suivant, on n'est pas pressé. Même si, peut-être quand on... Dans un an, bon, il sera fini, complètement terminé. Tu vois ? Mais ça ne veut pas dire qu'on le sortira tout de suite. Et ça n'a jamais roulé aussi rondement ? Ben, là, on... c'est un peu... je sais pas si on peut dire le hasard, mais on a une façon de fonctionner qui fait que finalement ça arrange tout le monde d'enregistrer l'été, de sortir l'album qu'on a enregistré l'été d'avant dans la foulée. Enfin tu vois, il y a toute une, tout un rythme. Et puis on est toute une équipe où finalement on est organisé comme ça. C'est pas décidé au millimètre. Il n'y a pas un jour où j'ai dit bon alors on fait les enregistrements au mois d'août, on fait ci, on fait ça. Non, non. Ça s'est recalé comme ça au fur et à mesure du temps. Et puis ça correspond à tous les emplois du temps de tous ceux qui participent. On pourrait changer si on... Mais c'est, pour l'instant, c'est comme ça. Mais là, t'es rendu à combien de chansons? Facilement 80? Ben là, l'album qu'on est en train d'enregistrer, donc qui sortira dans 2 ans, ça sera mon 8e album. Ouais. Donc ça doit faire à peu près... au moins 90 chansons qui sont sur mes albums, plus celles que j'ai enregistrées pour moi, mais qui sont sur des choses annexes. Donc je pense que je ne dois pas être loin d'une centaine de chansons à moi qui sont enregistrées et qu'on peut écouter. Si tu te réserves uniquement la prestation... Non, je ne réserve pas du tout. Ça dépend des questions qu'on me pose. Donc là, j'ai enregistré des albums avec Maïda. Donc j'ai fait beaucoup de chansons pour elle, puisqu'on a fait 3 albums. Donc je n'ai pas fait toutes les chansons de ces albums, mais j'ai dû faire, je ne sais pas, peut-être 25 chansons pour elle. Mais que la musique. Elle faisait les paroles. Enfin, okay. Elle fait les paroles. Et elle faisait les paroles de ces albums-là. Puis elle fait des paroles peut-être... J'ai peut-être l'occasion d'en faire d'autres, je sais pas. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es branché sur cette fille-là? Tu la connaissais? Tu l'as déjà vue sur scène? Ben, c'est un ami qui me l'a présenté et elle, Si la question c'était j'ai des chansons et je cherche quelqu'un qui écrit des musiques. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Enfin, on fait de la musique ensemble. Et puis là. Ça s'est rapidement. L'osmose s'est rapidement. Oui, bah tu sais jamais. Quand les gens me proposent des choses, en général c'est des paroles, je dis toujours je vais chercher des choses, mais je ne peux pas garantir le résultat. Okay. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais. Et puis il y a des cas, bah hop, ça se fait facilement, il y a des cas c'est plus compliqué, ça dépend. Donc là j'ai toujours des pistes avec des gens et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'essaye. Alors tranquillement, tu t'es. Parce qu'avant ça, tu faisais cavalier seul, mais là, de plus en plus, il y a des gens qui veulent se greffer à ton univers. J'ai des. Ouais, j'ai des contacts. Mais je te dis, c'est. C'est pas structuré dans le sens où les gens te proposent des choses, et puis tu vas lire des paroles, et dans certains cas. Ça te parle assez profondément, dans certains cas, pas forcément. Mais il faut essayer pour savoir. Tu vois, je vais lire un truc, je peux pas dire en deux minutes, ah ouais, tu vois, enfin peut-être, mais on va dire que la règle, c'est plutôt que bah, je regarde, je prends ma guitare, j'essaie, je cherche, et puis par moment, paf, hop, l'idée arrive facilement. Mais tu veux voir aussi si l'écriture a une mélodie aussi. Parce que l'écriture, si elle n'a pas de mélodie, si elle ne te parle pas, tu peux pas aller plus loin. Ouais, si ça parle pas, tu sais pas. Hein. C'est pas du tout prévisible. Voilà. Donc faut essayer. D'une certaine façon, je dirais, faut vivre le truc. Ah oh oui, mais effectivement, c'est vrai. Et puis... Il faut être dedans. Ouais. Là, j'aime pas trop l'idée d'essayer. C'est faut plutôt vivre le truc. Et puis après, le résultat est satisfaisant ou pas. Et là, c'est. Moi qui vais juger, de me dire, ah bah ouais, ça vaut le coup de le faire comme ça. Ouais. Mais il n'y a pas longtemps, tu as fait un spectacle en tournée avec Pauline Paris. Ah bah oui, dans ta bagnole. 15 jours. T'es parti... Ouais. Ouais. En Allemagne? Non, on était en Bourgogne. En Bourgogne, oui, excuse-moi. Ouais. On a fait trois concerts. Mais vous êtes déjà allé en Allemagne, je crois. Hein? Elle a beaucoup été en Allemagne, mais moi je suis jamais allé en Allemagne avec elle. Et là, c'est elle qui avait organisé trois concerts en Bourgogne et c'était vachement bien. Et la particularité, le changement avec avant, c'est que là, je l'ai accompagnée tout le long de son set et elle m'accompagnait tout le long de mon set. Okay. Et c'était vachement bien en fait. Comme ça, ça faisait quelque chose d'assez vivant pour les gens. Puisque je faisais 3-4 chansons, elle faisait 3-4 chansons et ça pendant une heure et demie. Mais ce qui a aidé aussi dans cette osmose-là, c'est que vous vous connaissez très bien. Ça fait je sais pas combien, peut-être une dizaine d'années qu'on vous connaît, qu'on joue ensemble dans le même spectacle depuis pas mal de temps. Et vous vous aimez mutuellement. Oui, on s'entend très bien. Donc, et les répertoires sont différents. Qu'est-ce qui s'occupe de vous, monsieur? Mais ils vont très bien ensemble. Donc ça, c'est un truc que nous, on aime bien faire vivre, mais que les gens... je sais pas, apprécie à chaque fois, c'est étonnant parce que souvent les réflexions, c'est marrant, parce que c'est différent, mais ça va bien ensemble. C'est un peu ce que je disais avant, t'as des trucs, tu sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Ouais. Voilà. Dans la rue, le nez en l'air, tout le monde me regarde de travers. Je ne fais rien de mal, je suis moi-même. C'est ça qui les dérange, c'est ça qui les gêne. Tout le monde se fâche, je reste zen. Tout le monde se lâche, tout le monde s'énerve. Je suis mon chemin à ma manière. Je suis une pierre qui roule sans aucun problème. Que je fasse tout ce qu'ils me disent. Je reste de glace, tant pis s'ils me méprisent. Ils veulent que je devienne exactement comme eux. ils n'ont pas compris. Je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de tous vos conseils pour me lever le matin et savoir quoi faire. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je suis né dans un état d'esprit. Donc ça fait partie des choses à creuser. Et la musique, c'est ça la magie, c'est que tout s'en mêle, les paroles, la musique, l'interprétation et tout ça fait en sorte que ça devient une chanson qui fonctionne bien. Ouais, puis je pense que sur scène, on doit probablement avoir des points communs dans notre façon d'aborder les choses. Ouais, tu vois. Ouais. Donc ça doit se sentir. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien, tu vois, mais qu'aussi les gens sentent qu'il y a une amitié. Ouais, puis il y a un parallèle dans notre façon d'envisager le côté artistique du truc, je suppose. Ah oui. Donc vous sentez à l'aise de travailler ensemble, d'être dans une bagnole, de parler de tout et de rien. Et... Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Et est-ce que tu remarques que depuis quelque temps, ça fonctionne bien pour toi? Quand on s'est rencontrés au début, je crois que ça fait 10 ans qu'on, ça fait un moment, qu'on discute, qu'on se rencontre ici, sur cette rue légendaire. C'est ta rue. Ma rue. Mais non, mais je vois pas de Rénal Gagné, quand tant mieux. Quand je serai maire de Paris, je serai renommé, je dirais. Ah, merci. Pour faire quelque chose, là. Ah, ben oui. Ben, très simple, hein? Un monument. Ben, juste ton nom. Ah, moi, j'avais pensé à un monument. Ouais, un monument. Il faut rester simple dans la gloire. Une statue d'une trentaine de mètres de haut. Oui, 50 mètres, 100 mètres. Et qui tend la main. Voilà. Et qui tend la main, voilà. Ou comme ça, comme les gens mettront de l'argent et tu iras prendre les sous que les citoyens mettront. Ouais, d'accord. Et c'est toi qui vas faire un peu de fric sur mon dos. Voilà. Mais... Ma meilleure amie est bavarde comme une pie. J'aimerais bien lui clouer le bec, mais j'ai peur qu'elle ne se vexe. Bla bla bla, tout autour de moi. Bla bla bla, ça n'arrête pas. Bla bla bla, mais que faut-il faire? Bla bla bla, pour la faire taire. Le radio réveille, gueule dans mes oreilles. Le débit du présentateur doit être au moins de 10 000 mots à l'heure. Bla bla bla, le son des cordes vocales. Bla bla bla, remplis mon espace mental. Bla bla bla, allez au diable. Bla bla bla, avec vos salades. J'ai fini ma journée, je dors devant la télé. Les programmes sont pas variés, y'a des variétés avariées. Bla bla bla, ça fait un bruit de fond. Bla bla bla, ils chantent tous la même chanson. Bla bla bla, je suis comme un con. Bla bla bla, même plus la porte de couper le son. C'est vrai, tu n'as jamais travaillé autant que depuis ta retraite, comme on le disait tout à l'heure, parce que tu as voulu changer de vie, mettre un frein à ta... Ouais, ben disons que j'ai arrêté mon travail, mais j'ai continué à faire beaucoup de choses qui me plaisent. Ouais. Et donc la musique passe en premier, Ouais. Voilà, les chansons, puis tout ce qui va avec. Pour moi, le spectacle, bon, c'est un peu du théâtre, mais c'est quand même très axé sur la musique. Et c'est ça qui me plaît, ça qui me branche, ça qui me parle. Et puis c'est ça que j'ai envie d'expliquer, de partager, de transmettre, comme on dit. Et trouves-tu que c'est de plus en plus facile de se présenter quand on a de l'expérience? C'est moins traquant ou si c'est toujours aussi, aussi demandant, aussi pas traumatisant, mais aussi difficile? Parce qu'il faut quand même aller conquérir la le public, puis le public est différent. Ben, je dirais l'émotion, elle est toujours là, de la même façon. Ça, ça ne change pas. Que tu sois à ton premier concert ou ton millième concert, enfin, je parle pour moi, bien entendu. Tout ce qui est autour, avec le temps, forcément, tu as un peu de recul. Parce que tu as des gens, quelquefois, qui sont très superlatifs dans la façon de voir les choses, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Oh, qui oui. disent c'est génial, et peut-être, bon, ou qui disent c'est horrible, bon, pourquoi pas. Donc, bah, ça peut faire plaisir, mais après, tu fais des choses quand même parce que ça te parle à toi, tu vois, c'est toi qui présente le truc. S'il y a une résonance auprès des gens du public, ben c'est vraiment c'est super. Mais s'il n'y en a pas, ben c'est pas grave d'une certaine façon. T'as dit ce que tu avais à dire. Ouais. Les autres prennent ce qu'ils ont à prendre. Voilà, t'es là pour ça, t'es là pour t'exprimer. C'est comme ça que je le comprends. Mais avec les années, est-ce que tu sens qu'il y a un public qui te suit, un public qui attend tes disques, qui attend tes spectacles? As-tu un microcosme de spectateurs assidus? Il y a un journaliste qui n'arrête pas de m'appeler, oui. Un mec du Québec. Oui, ouais, ouais, mais il n'y a pas de journaliste. Ça fait un. Oui, mais il n'y a pas de journaliste. Donc c'est un microcosme, mais à l'échelle vraiment petite. Oui. Non, ouais. Mais il n'y a pas de... Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ah, oh, c'est gentil. Mais tu ne reconnais pas certaines... Si. Des personnes qui viennent te voir. Si. Non, mais... donc il y a des gens forcément que je là, vois... Là, je parle pas de ta parenté, là. Ouais. Ouais, je reconnais encore mes enfants. Ben oui, c'est bon. Tu vois, malgré les années. Ouais, ouais. Ah tiens, ouais, j'ai déjà mis quelque part. Chose, ouais. Ouais. La mère de famille, mais j'arrive pas à remettre non, un nom. Mais... Donc il y a des gens forcément que je croise et que je recroise. Et de temps en temps, alors ça me fait très plaisir. Ben, ça m'est arrivé l'autre jour, je vois une dame qui. Donc je sortais d'un concert, mais juste j'avais fini, puis qui me parle et elle connaissait les chansons. Mais je l'avais jamais vue de ma vie. Et elle me dit, ah, mais moi je vous suis sur Facebook et vous avez joué là, vous avez fait ci, vous avez ça. Et elle connaissait toute mon activité. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, ben, ce que je raconte, ça lui parle. Ouais. Tu vois, c'est pas pour moi. C'est, non. C'est pour ce côté de ce que je propose, c'est une manière de rapprocher les gens, d'être en contact. Et donc je me dis, ben, ça fonctionne. Oui. Te souviens-tu de l'heure où tu t'es endormi? Faisait-il déjà jour? Faisait-il encore nuit? As-tu pensé à ces amoureux enlacés en train de regarder le soleil se lever? Te souviens-tu de l'heure où la chance t'a souri? Faisait-il déjà jour? Faisait-il encore nuit? Est-ce par hasard que se croisent les regards? Est-ce que tout est écrit dans le livre de notre vie? Te souviens-tu des heures en sa compagnie? Ses yeux, sa douceur, son grand sourire. Te souviens-tu de sa voix? Te souviens-tu de ses pas montant l'escalier jusque chez toi? souviens-tu de l'heure où elle est partie? Était-ce de bon matin ou en pleine nuit? Quelle était la saison? Quelles étaient les raisons pour te laisser seule dans cette foule de questions? Elle a brisé ton cœur, elle a brisé ta vie. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vas-tu comprendre que l'amour ne dure pas? C'est une leçon qu'il faut apprendre, malgré tout, malgré toi. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.